Donc ce titre, c'est donc cet aspect de la vie quotidienne à la cour de Versailles à la fin du XVIIe siècle, à travers de l'eau céramique exceptionnelle, issue des fouilles du grand commun. Alors tout d'abord, quand j'ai relu ce titre, je me suis dit, exceptionnel, les gens vont s'attendre à avoir une grande quantité de mobilier, des choses extraordinaires. Non, c'est exceptionnel parce que c'est un cadre exceptionnel, parce que on a eu la chance dans cette fouille, comme vous l'a montré Jean-Yves, d'avoir le comblement de caves notamment, qui ont livré du mobilier qui permet de mettre en relation et en comparer ce qu'on peut retrouver dans un milieu de ce statut-là avec ce qu'on peut retrouver dans des fouilles urbaines, comme on a pu en faire à Paris et dans de nombreuses villes d'Île-de-France. Donc c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est ce questionnement sur le mobilier. Et voilà. Donc la fouille du Grand Commun a livré à peu près 5000 restes. Ces céramiques sont relatifs à l'occupation de principalement de trois bâtiments, comme vous l'a montré Jean-Yves, le pavillon du roi, le jeu de paume et la maison du pommier, le bâtiment du Grand Commun. Donc deux contextes ont retenu l'attention, c'est le comblement de la cave du pavillon du roi et celui de la maison du pommier. Ces deux caves ont été comblées simultanément vers 1682, comme le montre le mobilier céramique. Mais il est sans doute plus ancien, entre 1660 et 1670. Ces bâtiments ont été détruits par la construction du Grand Commun en 1682. Et donc de la céramique de la même période a été également retrouvée dans des structures qui sont liées à la construction du bâtiment du Grand Commun, donc la galerie technique. Donc c'est ces ensembles-là qui font l'objet de cette présentation. Donc la cave du pavillon du roi, comme vous l'a montré Jean-Yves, voilà, sur le plan, dans le sol de cette cave a été retrouvé un fond de plat en faïence de Nevers, d'un style avec des personnages, un style champêtre, bien daté des années 1650-1655. Sur le sol, en fait, la cave a été comblée par un certain nombre de dépôts mobiliers, comme vous l'a dit tout à l'heure Jean-Yves, dont des céramiques. Donc j'ai à peu près presque 1200 nombre de fragments de céramiques, et avec les comptages, donc je ne vais pas revenir sur les comptages dont vous a parlé Madame Dupont tout à l'heure, mais donc on compte en nombre de restes de céramiques, et on estime le nombre de récipients, puisque malheureusement, la plupart du temps, dans ces dépotoirs, hein, puisque ce sont des comblements qui ont servi de dépotoirs, en fait, le mobilier est très mal conservé et souvent à l'état de fragments de bord, de fond, donc peu de pièces complètes, hein, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans les collections, dans les musées. Alors, l'assemblage. L'assemblage en fait donc de la composition de ce vaisselier et de cette cave met en évidence la part très importante pour plus de 35% de céramique régionale, suivie par à peu près 30% de grès. Ces grès, ce sont essentiellement des grès du Beauvaisis, je vous en ai montré tout à l'heure, et aussi des grès normands. Enfin, à peu près 25%, 30% de faïence, de vaisselle de faïence, et puis quelques autres, de manière très, très, qui comptent très, très peu de céramique fine, glacurée et peinte grossière. Cette céramique régionale, il faut savoir que l'approvisionnement de Paris, donc vous voyez sur ce plan ici, donc en fait, les céramiques produites et utilisées dans la capitale, ça, depuis le XVIe siècle, proviennent. Alors, je vais montrer à partir de là. Donc, elles sont produites. Oh mon Dieu. Voilà, c'est le studio. Donc, elles sont produites à Paris. Donc, à Paris, on a des potiers depuis l'époque gallo-romaine, en fait, hein, dans l'Antiquité. Et donc, ce quartier a toujours dominé la production parisienne, qui s'est étendue au cours du XVIIe siècle dans les faubourgs. Au sud-est et au nord de la ville, et surtout un axe très important le long de la voie vers l'est, vers la porte Saint-Antoine, de développement des poteries puis des faïenceries de la capitale. Donc une grande partie de la céramique qui alimente Paris et une grande partie de la région parisienne provient de la capitale. À cette production de Paris, une partie très importante vient de Beauvais. Ce sont les grès et les céramiques glacurées dont je vais vous parler tout à l'heure, que l'on va retrouver dans les assemblages de Versailles. Ces céramiques sont importées depuis le XIVe siècle sur Paris et sont vendues par les marchands potiers parisiens. Donc c'est un approvisionnement, on va dire, normal, régulier. Et puis, on a des approvisionnements qui apparaissent à partir du XVIIe siècle avec du grès de la puisée et de la faïence qui viennent de Nevers, qui sont acheminés par la Loire et via le canal de Briare et vendus par les marchands potiers parisiens. Et c'est toute cette vaisselle qu'on va retrouver à Paris et qu'on va retrouver donc dans les châteaux au château de Versailles. Alors, c'est pour ça, parce que comme je présentais un petit peu, donc, dans ces productions de la région parisienne, on connaît donc les productions de Paris, et il y a tout un tas d'officines qui ne sont pas encore très bien connues, pour lesquelles il est important de caractériser et de décrire la qualité des pâtes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez différentes catégories de pâtes, donc pâtes, généralement des céramiques qui sont glacurées. Dans les grès, vous avez aussi des grès du Beauvaisis avec des différences aussi, des différences de surface et des grès normands qui servaient ici à l'acconditionnement du beurre. Vous avez donc dans cet ensemble donc une grande partie, je vous dis 30% à peu près de faïence qui se répartissent en faïence blanche, en faïence à décor bleu et en faïence bleutée à décor bleu. Toutes ces productions de faïence sont des faïences nivernaises. On est encore dans une période où le goût pour la faïence blanche prédomine sur la faïence à décor bleu. Quand on observe les assemblages pour cette... pour la cave du pavillon du roi. La répartition fonctionnelle de ce mobilier montre que pratiquement 25% de la céramique concerne la céramique de culinaire, qui comprend des pots à cuire, des pots de conservation, quelques pots de préparation. Et la plus grande partie de ce mobilier concerne la table, donc la vaisselle de table, des plats, des écuelles, et puis des boissons, des pots pour les boissons, donc des pichets. Voilà. On voit aussi dans cet assemblage du pavillon du roi des récipients de toilette qui sont relativement rares encore au XVIIe siècle, dans les milieux hors milieux très favorisés. Et ce qui est intéressant sur cet ensemble, c'est les pots d'horticulture, donc que l'on trouve aussi, on rencontre assez rarement. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de toute la différence, mais donc en fait, le travail sur ces ensembles, c'est de les quantifier, d'essayer de voir donc l'origine des productions, l'origine, essayer de déterminer les formes, d'identifier les formes et d'essayer d'établir un schéma fonctionnel et qui pouvait après utiliser ces objets. Alors voilà, donc comme céramique de table, on a donc les céramiques ici, donc des écuelles, des petites écuelles qui sont vraiment dans la tradition des productions du XVIe siècle que l'on va retrouver en production parisienne, en production glacurée du Beauvaisis, des écuelles, des grès, des petites coupelles en grès du Beauvaisis qui est extrêmement répandue sur toute la première moitié du XVIe siècle mais qui perdure jusqu'au XVIIe siècle et qui sont liées à la consommation du vin, des boissons. Et puis des cruches en grès, aussi du Beauvaisis. Voilà. Ensuite, donc dans la vaisselle culinaire, on s'aperçoit donc qu'il y a énormément de pots tripodes avec leurs couvercles, des saloirs, des bassins et aussi des pots à beurre sur lesquels je vais revenir. Voilà cette céramique de cuisson culinaire avec donc des pots tripodes qui est le pot emblématique, vraiment le pot caractéristique en terre à partir de la fin du XVIe siècle, du dernier quart du XVIe siècle, on a ce type de pot à Paris, en région parisienne, avec leur couvercle. Voilà. Donc, on a aussi des bassins, des formes de préparation glacurées à l'intérieur, et puis des pots en grès qui servent à la conservation, au stockage des graisses, des laits, voilà, des choses comme ça. Alors, ce qui était très intéressant dans cette cave du pavillon du roi, c'est la présence de... Ah oui, voilà, c'est mieux. La présence de récipients d'hygiène et notamment de plats à barbe. Alors, ces plats à barbe, c'est vraiment des objets qu'on va surtout retrouver à partir du XVIIIe siècle, qu'il est extrêmement rare de rencontrer dans les contextes archéologiques. et qui dénote bien quand même la qualité intrinsèque des occupants de ce pavillon du roi, qui utilisait cette cave, puisque la cave a été remblayée par des objets qui ne servaient plus, évidemment, au moment de la destruction du pavillon. La présence aussi de pots de chambre est tout à fait significative du rang social des utilisateurs de cet espace. Et donc voici les pots tripodes, les pots articoles dont je vous parlais, que l'on peut mettre, vous voyez, sont des pots tronconiques avec des bords, oh mon Dieu, hop là, avec des bords saillants en bandeau, avec des trous d'évacuation ici. Alors ils sont pas, évidemment, vous voyez, ils ne sont pas complets. Et on retrouve ces pots sur des peintures du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, notamment. Donc c'est vraiment là où on voit très très mal, mais bon. Donc cette peinture de Jean-Baptiste Oudry, donc avec l'ananas en peau, qui vient donc du musée des châteaux de Versailles, et c'est vraiment exactement le type de peau que l'on a retrouvé dans la cave de la maison du roi. Ensuite, on passe à la cave de la maison du pommier, donc je ne vais pas m'étendre dessus, avec à peu près le même type nombre de restes, à peu près 1200-1300 restes, pour un nombre de récipients estimé à 56, donc relativement finalement peu. Une répartition avec des grès, pareil, de la vaisselle en grès du Beauvaisis, de la céramique locale sableuse régionale et de la faïence. Cette faïence se décline de la même manière, avec beaucoup de faïence blanche et puis une part un peu moins forte de céramique à décor bleu et à décor à campanario. Alors, la raison de la présence de faïence blanche, c'est parce qu'on a beaucoup de pots de toilette et que les pots de toilette sont, à cette époque-là, en tout cas, pas décorés ou peu décorés. Voilà, ça, c'est la répartition des productions locales, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, pour les grès, on s'aperçoit ici que dans cette, contrairement à tout à l'heure, on a un grand pic pour les grès normands, que ce soit en nombre de restes ou en nombre d'individus. Alors, dans l'assemblage fonctionnel du mobilier de cette cave, on retrouve donc une grande quantité de céramique culinaire et toujours une grande quantité de céramique liée à la vaisselle de table. Vaisselle, la plâtrie, les boissons. Par contre, peu de pots de toilette, quelques pichets, pas grand-chose. Alors, cette vaisselle de table, je ne vais pas rentrer dans les détails, vaut mieux la voir, mais donc on se rend compte que la part des pichets est très importante, compte tenu du faible nombre quand même d'effectifs. Je reste dans des proportions qui sont des indications, parce que effectivement les proportions là sont le nombre d'effectifs de mobilier est assez faible. Alors voici cette céramique, c'est exactement, on retrouve la même chose, mais en moins de grande quantité dans le comblement de la cave du pavillon du roi. Ce sont des coupes à pied, des pichets et des gourdes à décor à campanario. Alors au départ, ces pichets, je l'avais interprété plutôt comme liés à la table. Et en fait, je pense qu'ils sont quand même, compte tenu de ce type de contexte-là, associés à des pots de chambre, associés à des plats, ils sont plutôt il faut plutôt les considérer comme des brocs de toilette, des pots à eau, des brocs à eau, en fait. Voilà, donc pour la table, donc des restes de rafraîchissoirs. On est dans le style des productions de Nevers, bien datées, bien étudiées, depuis les travaux de Jean Rosen des années 1670-1680, et on est tout à fait là-dedans. Donc, on trouve aussi quelques restes de coupes en faïence de Delft. Donc je vous ai mis en regard à un bol de Delft qui vient du musée de Saint-Omer, mais c'est exactement la même chose, avec des chinoiseries, on appelle les décors de chinoiserie. Donc on est là dans des modes de consommation assez raffinés. Hein. C'est lié à la consommation du thé, etc. Donc le reste de la vaisselle de table avec donc les pichets. Voilà, les pichets en grès, gourdes en grès. Et puis un élément qui se trouve dans le sol, qui a été retrouvé dans un des niveaux de sol de pichet en grès rhénan. La vaisselle culinaire, donc je ne vais pas revenir. On trouve exactement les mêmes. Voilà, on voit la photo de ces pots à cuire, hein, glacurés intérieurement, donc qui étaient couverts. Donc on a exactement les mêmes assemblages que dans l'autre cave, à la différence de la présence de ces pots à beurre. 4 pots à beurre quasiment entiers, qui mesurent à peu près 60 cm de hauteur. Donc vous avez deux photos. Les exemplaires les plus complets. En regard, je t'ai mis un autre pot qui a été découvert enfoui dans le comblement d'un cellier d'une cave d'un hôtel aristocratique sur le site de la cour Napoléon. Donc ces pots en beurre, pots à beurre, en fait, ils contenaient à peu près 13 litres de beurre. C'était du beurre qui venait de Bretagne, qui était conditionné dans des pots en grès normands qui étaient fabriqués par des potiers donc de la région du Domfronté, en basse Normandie, et qui servait donc à conditionner et à transporter le beurre qui était diffusé dans une grande partie de nord-ouest, notamment de la France, et en particulier Paris, où ces beurres étaient très très appréciés. Vous voyez la marchande de beurre sur cette gravure de l'armassin. Donc, elle enlève la couche de protection. Au-dessus, il y a à peu près une dizaine de centimètres de sel, hein, qui permettait qui évitait que le beurre ne se corrompe. Voilà. Et ensuite, voilà, les pots étaient cassés et pour pouvoir les démouler. Alors, évidemment, la présence de ces pots entiers, nonobstant le fait qu'on les retrouve pratiquement complets et tout à fait assez exceptionnel, il faut le dire. C'est pratiquement du jamais vu. Ou alors, il y a des sites où on trouve des grandes quantités de pots à beurre, notamment par exemple l'abbaye de Chelles, l'abbaye royale de Chelles, pour laquelle j'avais pu quantifier à peu près, il y avait une soixantaine de pots à beurre, mais très fragmentaires aussi, bon, qui dénotent un usage du beurre dans la consommation. Alors de l'abbaye, c'est un peu particulier la règle, évidemment pour les règles monastiques, mais il faut savoir que donc au XVIIe siècle, le beurre rentre vraiment dans l'alimentation, et notamment dans la classe aisée, et il est utilisé pour la fabrication des sauces. On abandonne toutes les sauces un peu aigres du Moyen-Âge qu'on consommait encore jusqu'au XVIe siècle, et on fait vraiment des sauces à base de beurre. On utilise le beurre aussi pour les pâtisseries, on utilise le beurre pour cuire aussi. Voilà. Donc on est vraiment dans une démarche qualitative qui indique qu'on est... et qui me pose à la question de savoir qui était vraiment ce pommier, quel était le statut de ce pommier, puisqu'on retrouve exactement le même type de céramique que dans la cave de la Maison du Roi, donc une vaisselle de table qui était quand même de qualité, et puis ces pots à beurre, ça veut dire, est-ce que le pommier, est-ce qu'on servait à manger, est-ce qu'on consommait, voilà, est-ce que ça... Est-ce qu'on faisait il y avait une cuisine spécifique pour les officiers qui venaient aussi faire le jeu de paume. Voilà, ça c'est des représentations de William Kaft, donc du XVIIe siècle, où on voit ces fameux pots à beurre. Alors donc c'est des compositions d'atelier, évidemment ça n'a rien à voir avec la réalité, mais cette réalité-là, c'est celle qu'on nous on a généralement en archéologie, c'est-à-dire que des pots qui sont débités au fur et à mesure qu'on utilise le beurre. Voilà. Alors, quelques récipients de toilette, donc je vais montrer. En fait, ce sont peut-être des pots en gants, des pots couverts. Peut-être une autre utilisation. Pour l'instant, j'ai. Voilà. Mais ça, c'est effectivement ce type de faïence de Nevers de qualité. Alors, ce sont des pièces, ce ne sont pas des pièces exceptionnelles. Ce sont des pièces de qualité que l'on retrouvait, en fait, je vais vous montrer dans d'autres contextes, à cette époque-là, dans la société, dans la dernière décennie du 7e siècle. C'est vraiment le type de vaisselle en faïence que l'on utilisait. Alors, le grand commun, donc voilà, je ne vais pas vous retrouver la même chose, le même type d'assemblage, la décomposition des assemblages avec la vaisselle de cuisson, etc. On retrouve on est dans le contexte là de la construction du grand commun, donc on est vraiment dans les années 1680, 82, 84, et on retrouve exactement le même type de céramique, et notamment cette écuelle qui a la particularité d'avoir un tenon moulé à fleur de lys. Alors, on en avait un autre dans la cave de la maison du pavillon du roi. On avait juste un petit fragment de ce type d'écuelle. Alors, j'ai jamais trouvé ce type d'écuelle ailleurs. Donc, la forme écuelle, elle est très répandue, mais avec un élément tenon moulé, je pense que c'est lié vraiment au fait qu'on est dans le domaine royal. Alors, donc, même type d'assemblage avec beaucoup moins de peau à beurre. Là, comme vous avez vu, des fragments, toujours le même type de composition, mais en des proportions moindres. On retrouve une vaisselle, ses coupes à pied. Alors, légèrement plus tardive, avec des décors associant le bleu cobalt et le manganèse. On est effectivement, ça tombe plutôt dans les années 1670-1680. Hein, d'après, voilà. Mais toujours le même type de coupe à pied. Voilà. Dans le grand commun, ont été retrouvés également des éléments de porcelaine chinoise. Ces porcelaines chinoises que l'on retrouve aussi ici dans le tableau de William Kaft, tableau de composition. On les retrouve ici. Donc ça correspond tout à fait à des modes de consommation de l'aristocratie, des services à thé. Trois éléments de carreaux de pavement en faïence hollandaise de Delft, comme ceux qui ont été retrouvés à Marly et à Trianon. Donc on est exactement dans la même période et sans doute la même commande, puisque c'était des marchands spécialisés qui alimentaient les marchés de construction. Et donc, voilà. Donc c'est intéressant, puisqu'on ça veut dire qu'on est dans la même démarche, dans la même de construction de ces bâtiments. Un petit élément d'un carreau aussi en faïence de Nevers à décor persan, donc aussi typique de la fin du XVIIe siècle. Alors là, c'est plus tardif, mais c'est un petit clin d'œil aussi par rapport à ce qu'on peut retrouver à Marly, dans les fouilles de Marly, puisque là, ce sont des fragments ténus, mais qui ont été retrouvés dans le bassin du Grand Commun, d'une assiette de service au monogramme de la couronne. Voilà. Alors, juste pour finir, donc en fait, le mobilier qui était retrouvé dans ces ensembles est très bien calé chronologiquement. Il est calé chronologiquement par les éléments, les données historiques, mais ça correspond évidemment aussi aux données des études céramologiques, avec donc les éléments les plus anciens qui se retrouvent dans le sol d'occupation du pavillon du pavillon du roi. Ensuite, probablement un comblement dans les années 1670 du mobilier qu'on va retrouver dans le comblement de la cave du pommier et la cave du pavillon du roi, et puis ensuite des productions un peu plus légèrement plus tardives dans la construction du grand commun. Et on apparaissent les porcelaines chinoises et la faïence hollandaise. Alors, c'est la question qu'on se pose, est-ce que ces céramiques sont spécifiques et représentatives de la vie à la cour dans les années 1670-1680? Donc, je vais montrer une carte avec plusieurs sites, notamment donc des sites royaux, ici, Paris, donc beaucoup de sites du XVIIe siècle, et cette carte, elle date de quelques temps, et je pense qu'il y en a un peu plus encore aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis les fouilles du Grand Louvre, où on avait finalement le XVIIe siècle, ces périodes modernes étaient très peu, c'était très exceptionnel. Depuis, heureusement, beaucoup de sites, et notamment des sites quand même emblématiques comme les Versailles, le Fort Saint-Sébastien, le Louvre, ont permis de donner des éléments pour appréhender la culture matérielle et la vie des personnes dans ces milieux, notamment pas simplement le roi, les princes, mais aussi toute leur maisonnée, puisque en fait, souvent le mobilier qu'on va retrouver, il est plutôt celui qui était utilisé par la domesticité au sens large du monarque. Donc le plus remarquable des sites comparables à celui de Versailles et par le hasard des fouilles est quand même assez exceptionnel, puisque juste après, quelques années après Versailles, il y a la fouille du Fort Saint-Sébastien, et là, on est exactement dans les mêmes périodes, 1669-1671, et on va retrouver Exactement, les mêmes types de mobilier, c'est-à-dire que là, ce sont des fragments, pareil. Hein, malheureusement, quand on n'a pas selon le type de contexte de découverte, on travaille, nous, sur souvent des fragments. Hein, il faut imaginer l'objet derrière. Mais exactement le même assemblage pour de porcelaine chinoise à décor bleu et blanc, de faïence de Nevers des années 1670, de faïence, la petite gourde, comme on a retrouvé aussi dans le pavillon du roi, à décor à Campanario. Alors, des éléments de vaisselle à décor à la barbotine qui viennent du Beauvaisis, qui ont été retrouvés essentiellement dans les structures de logement des soldats, hein, dans les cahuts des soldats. Donc, ce sont une espèce de céramique au statut intermédiaire entre la faïence et la vaisselle commune produite localement et qui est glaçurée, généralement une glaçure plombifère. Ces céramiques, vous en avez vu une, donc une de ce type à décor à la corne dans le comblement de la cave du pavillon du roi. Alors, il faut savoir que ce goût pour des céramiques engobées, on le retrouve un peu partout en France. Donc, c'est sauf à Paris. Ou à Paris, finalement, grâce à la présence du roi et des grands de ce monde, le goût pour finalement l'usage de la faïence se répand, se diffuse beaucoup plus tôt qu'ailleurs, partout en France. Vraiment, il faut attendre la fin du XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, pour avoir des faïenceries et l'usage de la faïence un peu partout. Nous, à Paris, au XVIIe siècle, c'est des années 1630, on a déjà énormément, beaucoup de belles vaisselles de faïence qui éclipsent un peu toutes ces productions traditionnelles. Alors, on retrouve ces pichets en grès, hein, tout ça, c'est les services de liquide pour les soldats, grosses gourdes à quatre passants, on suppose qu'ils avaient quand même besoin de boire beaucoup. Et puis, les pots à cuire, hein, avec leur... Alors là, la chance d'avoir retrouvé carrément dans l'installation, mais Séverine nous présentera ça demain. Donc, les pots quasiment souvent en place dans les fonds de cabane des soldats. Mais on trouve exactement les mêmes céramiques. Alors, ça veut dire qu'on a, pour le camp d'entraînement de Louis XIV ou pour Versailles, exactement les mêmes marchands qui apportent les mêmes mobilier. Pour autant, ces céramiques, ce sont des céramiques qu'on va retrouver dans d'autres sites. Hein. Bon, alors, les exemples emblématiques, toujours, des repas de paysans et du statut de ce tableau, hein, qui est un tableau de composition. Hein, avec, c'est pareil, hein, donc les fameux pots tripodes que vous avez, les écuelles, les bassins que l'on va retrouver aussi, le pichet. Alors après, effectivement, les verres et surtout quelque chose qui n'apparaît sûrement pas dans un milieu paysan comme celui-là, les salières. Alors, vous avez voilà, toutes ces céramiques en grès, ces pots tripodes, hein, ça, c'est vraiment le ce que tous les Parisiens utilisaient dans leur quotidien. Par contre, ce qui n'était pas utilisé par le quotidien, c'est la vaisselle de faïence, c'est notamment la vaisselle décorée. Alors, c'est marrant parce que mes diapositives, tout le reste a disparu. Mais donc voilà, là, ce sont des exemples d'un célèbre, très, très gros ensemble de faïences qui sont contemporains des assemblages de Versailles, qui sont contemporains des assemblages de Fort Saint-Sébastien, qui ont été publiés par Geneviève Bresque-Bottier. Ah, donc la publication du Louvre, qui sont la publication de les fouilles de la cour Napoléon du XVIIe siècle, pour lequel, notamment dans deux latrines jumelles, une grande quantité de faïence, donc c'est des pièces de montre, hein, c'est pas des pièces qu'on utilisait, hein, c'était des pièces décoratives, pour celle-ci, évidemment, là c'est des pots en gants, donc des choses qui rentrent dans le quotidien, et donc là s'opère quand même un décalage alors avec le tout venant qu'on va retrouver dans des fouilles plus ordinaires. Je vous montrerai quelques photos. Donc là, voilà des bassins, des choses qu'on aurait pu s'attendre à voir aussi à Versailles, que l'on n'a pas, mais peut-être c'est aussi le hasard un petit peu des assemblages. On a en effet par contre les pichets, les assiettes. Voilà, des porcelaines chinoises aussi retrouvées au Louvre, hein, donc, dont une cassée, hein, qui était enchâssée dans du métal. Et puis, le même assemblage de mobilier pour la vie quotidienne, des pichets, des récipients de préparation, de stockage, des saloirs, des boyaux, les mêmes potripodes, voilà, exactement la même. Et là, on est, je vous montre un exemple, on est dans une latrine qui est du château de, une des latrines du château de Blandy-les-Tours, parce qu'il y en a plusieurs, et notamment une qui a recelé un matériel tout à fait intéressant, tout à fait contemporain du mobilier de Versailles. Et donc, ça veut dire qu'on est dans la même gamme. Dans la même gamme au niveau de la vaisselle de table, la vaisselle en céramique, bien, on utilise exactement les mêmes choses. Et en fait, c'est parce que Nevers, les productions de Nevers sont omniprésentes dans le vaisselier des franciliens et a fortiori des élites franciliennes au XVIIe siècle. Voilà, donc ça c'est dans une ferme seigneuriale aussi, les mêmes assemblages, mais en fait, c'est beaucoup plus fragmentaire, mais donc de vaisselle et en moindre quantité. Voilà, là on est à Port-Royal des Champs, des abbayes royales de la fin du XVIIe siècle, exactement le même type de céramique. Là on est dans une auberge, c'est un petit peu plus tardif, début du XVIIIe, à Étampes, avec, voilà, en proportion, exactement la même chose. Et puis pour finir, une maison de village à Gif-sur-Yvette où on retrouve les pots à beurre et puis les céramiques. Là, on est dans un village, donc on a le goût pour encore la consommation pour ces productions glacurées engobées et on n'a pas de faïence. Donc voilà, c'est pour vous montrer, je voulais finir avec ça, pour montrer que les ensembles du Louvre sont pas, de Versailles ne sont pas des ensembles exceptionnels, mais ils sont bien représentatifs de la partie de la consommation des élites en vaisselle de terre à cette époque-là. Il faut savoir qu'à côté, évidemment, de cette vaisselle de terre, il y avait de la vaisselle en argent, en métal. La vaisselle métallique avait évidemment une place très importante qu'elle n'avait pas évidemment dans les ensembles plus dans les milieux beaucoup plus modestes. Voilà. Donc c'était en ce sens qu'ils étaient exceptionnels parce qu'ils éclairent voilà un petit peu cette vaisselle de cour, ce milieu de cour par un quotidien avec des pots à cuire, des pots des pots à beurre pour voilà et c'était. Je pense que c'est j'ai du mal à trouver mes mots. Mais enfin voilà, c'est un vaisselier, on va dire ordinaire. Pour des gens qui ne sont pas ordinaires, en fait. Voilà. Je vous remercie.